à l'écoute. Oui, j'écoute. Ah, je suis toute là. Les portes de grand vin ouvert. C'est pas très piquant. Eh oui, eh oui. Et un peu plus loin, ben ici où on puise toute notre inspiration, notre discothèque. Eh oui. Et un peu en retrait, mais non moins bien gardé, l'aire administrative, là où les propos de CKRL sont minutieusement disséqués. Eh bien voilà, vous connaissez maintenant CKRL, une radio en construction depuis 1973. Samedi 9 février 2013. Aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, il sera question de l'avenir de nos universités en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Nicole Moreau en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Michel Lemonnette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Cette semaine, je m'entretiens avec Éric Martin, professeur de philosophie au Collège Édouard Montpetit, mais aussi membre de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Donc, nous allons nous entretenir sur une question qui nous préoccupe tous. Quel avenir pour nos universités? Pour sa part, Nicole Moreau a deux invités, Isabelle Mercure, responsable de l'approche territoriale intégrée ATI Limoilou, et Jean-Baptiste, responsable du projet d'intégration des personnes immigrantes, projet associé à l'ATI Limoilou. Mais d'abord, écoutons le camarade du poète Gaston Miron. Camarade, tu passes invisible dans la foule. Ton visage disparaît dans la marée brumeuse de ce peuple au regard épaillé sur ce qu'il voit, la tristesse partout, de beaux yeux de hublot. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Tu écoutes les plaintes, les graffitis sur les murs. Tu touches les pierres de l'innombrable solitude. Tu entends battre dans l'ondulation des épaules ce cœur lourd par la rumeur de la ville en fuite. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Tu allèges un corbeau au rendez-vous de ton geste, tandis qu'un vent souterrain tonnait et cognait pour des années à venir dans les entonnoirs de l'espérance. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? C'était Vincent Vallière dans la chanson Le Camarade, magnifique poème de Gaston Miron. Éric Martin, bonjour. Bonjour. On se demande s'il y aura encore un département pour étudier nos poètes québécois dans nos universités. Comme j'ai indiqué au début de l'émission, vous enseignez la philosophie au Collège Édouard Montpetit. Vous êtes membre de l'Institut de recherche et d'information socio-économique LIRIS, c'est bien cela? Exact. Dans un récent billet qui est paru sur le blog de l'IRIS, où, d'ailleurs le billet est intitulé assez vers le sommet US, éducation US qu'on s'en va, c'est assez évocateur comme titre. Je vais quand même vous citer, vous écrivez ce qui suit. Si nous prenons le problème globalement plutôt qu'à la pièce, nous en arrivons à voir que depuis quelques décennies, les grandes institutions économiques internationales ont fait la promotion d'un certain modèle d'université. Pourriez-vous nous décrire ce modèle? Certainement. Écoutez, c'est assez simple. On est en train de vivre, au fond, une américanisation de nos universités, mais ça veut dire, au fond, un branchement des universités sur l'économie. C'est-à-dire qu'on estime que les universités, leur pertinence, ce n'est plus tellement de transmettre la connaissance qui vient du passé, mais plutôt de produire des savoirs, disons, directement, immédiatement utilisables dans le champ de l'économie. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, les universités, elles n'avaient pas, entre autres, un impact positif sur l'économie. Elles ont toujours joué un rôle dans la société et qui avait des retombées économiques également. Mais l'idée maintenant, c'est vraiment de les brancher directement sur le champ financier, sur le champ économique. Alors, ça fait une sorte de détournement de la mission des universités. Et on voit ce modèle-là se répandre partout. Par exemple, en Angleterre, dans les dernières années, on a aboli la gratuité scolaire en 1998 et très vite, on a mis en place une série de réformes qui comprenaient notamment la hausse des frais de scolarité jusqu'à à peu près 15 000 $ par année, mais pas seulement ça, aussi des mesures de contrôle de la qualité et de mesure des résultats, d'évaluation de la performance et tout ça. Un peu le même, finalement, les mêmes mesures qu'on voit atterrir chez nous maintenant avec quelques années de retard. Et quand on regarde les statistiques de l'OCDE, on voit bien que dans l'ensemble des pays, ben, la part du financement privé augmente. Donc, le financement se privatise, les objectifs se privatisent et on perd au passage l'indépendance de l'université. C'est comme ça qu'on pourrait décrire ce processus-là. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas tant une question d'accessibilité. On parle beaucoup d'accessibilité. Certains parlent de gel, de gratuité, de légère hausse, de hausse plus significative. Mais c'est pas tellement l'accessibilité que permettrait de résoudre un généreux programme de prêt-bourse ou même la gratuité. C'est pas tellement ça qui est en jeu. Ben, attendons-nous que la question de l'accessibilité est certainement une question importante. Le problème, c'est qu'elle prend toute la place et que les débats de chiffres qui l'entourent sont spectaculaires et donc les gens se font prendre dans les tourbillons de chiffres. Et ça nous empêche de passer, disons, au second niveau de questionnement qui est, d'accord, on va donner accès à l'école, mais qu'apprendront-ils les étudiants une fois qu'ils seront sur les bancs d'école? Et c'est là que le bas blesse, à mon sens, c'est que dans la nouvelle université, appelons-la l'université économique ou l'université utilitaire, le contenu des cours va radicalement changer. Il n'est plus question de former, par exemple, des professionnels, par exemple, un architecte, un ingénieur, selon la tradition de l'ingénierie, avec une bonne conscience morale et éthique, une connaissance générale, mais plutôt de former des gens qui vont pouvoir immédiatement avoir des connaissances applicables à court terme sur les marchés. Alors, ça veut dire d'abord que les diplômes vont avoir une durée de vie très courte, mais ça veut aussi dire qu'on va former des gens qui sont, disons, adaptés à des tâches très, très concrètes et qui n'auront pas de recul ou de vue d'ensemble sur la société. Donc, personne ne parle du contenu des cours. Alors, accès à quoi? On pourrait demander accès, oui, bien sûr. Hein, la question de la gratuité scolaire, ça pourrait être assez facilement réalisé. Ça coûte pas si cher. Ça a l'air cher. Mais quand on regarde les dépenses globales d'un gouvernement, il y a plusieurs gouvernements dans le monde qui le font. Alors, on n'est pas moins malin ou plus malin qu'eux. On pourrait le faire ici aussi si on voulait. C'est plutôt qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Je peux peut-être vous expliquer pourquoi tantôt les gouvernements ne veulent pas aller vers la gratuité scolaire. Mais disons qu'on mettait en place la gratuité scolaire, ce serait d'ailleurs un progrès important pour le Québec. Ben, on n'aurait pas fini notre travail. Il faudrait se demander ensuite, d'accord, mais ensuite, qu'est-ce qu'on leur apprend sur les bancs d'école et à quoi sert l'école dans la société? Est-ce que c'est là pour former des gens qui ont un esprit ouvert ou c'est là pour former finalement des petits automates qui vont aller se brancher là, dans des emplois sans réfléchir? Oui, tantôt vous disiez que c'est le modèle plutôt de type américain des universités est en train d'envahir le Québec, mais il y a quand même, déjà en 1971, Fernand Dumont avait fait une mise en garde contre l'américanisation des universités du Québec. Il y a quand même eu une certaine forme d'américanisation où on a résisté par rapport aux autres pays? Ah, ben, je vous dirais que c'est un mouvement qui dure depuis assez longtemps. Ça peut même remonter à l'après-guerre, la tentation finalement de... Bon, faut quand même rappeler que nous, à l'époque, on avait un milieu universitaire très petit avant la Révolution tranquille. On avait trois universités, Laval, l'Université de Montréal et McGill. Et c'est seulement après là, qu'on a créé le réseau des universités du Québec dans un souci là, de démocratisation et tout ça. Et même à l'époque, je veux dire, le choix n'était pas clair. Et c'est d'ailleurs ce que révèle la phrase de Dumont que vous citez, là, que je prenais dans mon blog. C'est-à-dire qu'il nous dit « Faites attention parce que l'idée, c'est bien de développer un réseau d'universités québécoises, mais la tentation est forte quand on pousse à l'ombre du géant américain d'oublier qu'une université, disons, elle a une tradition, on pourrait l'appeler républicaine ou le modèle européen, disons, et d'adopter plutôt le modèle de nos voisins du Sud parce que, justement, la pression est si forte pour s'adapter. Et d'ailleurs, on l'entend encore aujourd'hui, ce discours, il faut s'adapter, rejoindre la moyenne canadienne, être concurrentiel, imiter l'excellence des autres. Bon, ça veut toujours dire, au fond, copier ce que font les États-Unis et l'Angleterre, alors qu'il y a toute une autre tradition universitaire dont on était, je pense, plus proche à l'origine, c'est en tout cas l'esprit du rapport Parent, qui est une tradition qu'on pourrait appeler plus républicaine, et l'université n'est pas vue comme principalement un outil de développement économique, mais on voit l'université comme étant partie prenante d'une communauté politique, étant en rapport avec un État, visant une formation citoyenne, une formation à l'esprit critique, c'est l'université allemande de von Humboldt, par exemple. Donc, nous, on a toujours été un peu écartelés entre notre passé européen et puis la tentation de copier nos voisins américains. Donc, ça n'a pas commencé hier, et c'est pas d'hier, d'ailleurs, qu'il y a des pressions en ce sens-là. C'est juste qu'elles s'accélèrent de beaucoup depuis quelques années. À partir du début des années 90, hein, on voit des pressions fortes pour augmenter les frais de scolarité. Il y a déjà un premier dégel au début des années 90. Et là, depuis 2000, le processus de Bologne a été mis en place en Europe pour adapter même l'université européenne au modèle américain, disons, ou économiciste. Et nous, nos ministres, je pense à Aline Beauchamp, par exemple, s'inspirent ouvertement du processus de Bologne et disent le but, c'est de former de la main-d'œuvre qualifiée, de la recherche utilisable économiquement. Et c'est très clair dans les documents du gouvernement. Donc, on est à la remorque, mais on prend résolument le virage. Et là, c'est comme si, je dirais, le dernier doute qui nous restait ou la dernière hésitation qui nous restait est en train de céder à dernière tique. Et là, on est en train de perdre complètement l'idée du modèle, disons, traditionnel et de s'en aller plutôt vers le modèle anglo-saxon. Donc là, on est un peu à... Il est minuit moins cinq, là, et là, pour le moment, la locomotive semble lancer résolument sur la voie d'une adaptation au modèle américain, et c'est ce qui est aussi inquiétant. Oui, il est minuit moins cinq, comme vous dites. On se demande d'ailleurs si on va laisser le temps s'égrener ou si on va l'arrêter. Mais je voudrais quand même revenir sur la question de la gratuité, parce que vous semblez soutenir la thèse de ceux qui disent que c'est possible. Puis, bon, évidemment, si on décide, c'est un choix de société, finalement. La gratuité. Ben oui, écoutez, je pense que, écoutez, il faut rappeler quand même, à l'époque des années 60, même l'Union nationale de Daniel Johnson père et le Parti libéral avaient ça dans leur programme. Donc, et que de nombreux pays dans le monde l'ont fait. Alors, nous, en chemin, on s'est arrêté, on a préféré faire le gel, bon, en disant un jour plus tard, on le fera. Bon, déjà, on voyait qu'on avait une sorte de tendance à traîner de la patte, mais au moins, c'était un projet qui faisait partie intégrante du projet de la Révolution tranquille. Et ça allait avec toutes sortes d'autres réformes qui visaient à créer un réseau public fort en éducation. Et là, aujourd'hui, semblerait que ce qui était possible pour les Lesage et Johnson père aujourd'hui soit rendu impensable. Alors ça, c'est de deux choses l'une. Ou alors, on est beaucoup plus pauvres qu'avant, ce qui est vraiment pas le cas. Tout à fait, on sait tous que c'est pas le cas. Ou alors, c'est qu'on a vraiment été plus pauvres en imagination que nos prédécesseurs. C'est-à-dire que il suffit de regarder combien ça coûterait. Les estimés les plus optimistes disent 500 millions. Ceux qui, comme Pierre Fortin, estiment que ça va augmenter de beaucoup la fréquentation universitaire, chiffre ça à 1 milliard. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est impossible pour un État. Un exemple, c'est qu'on a mis 850 millions pour réparer la centrale de Gentilly 2 avant de décider de la fermer. Alors, c'est des sommes quand même, 850 millions, qui s'approchent énormément de ce que ça coûterait. Et par ailleurs, l'autre question, ben c'est pourquoi est-ce que on soutient que d'avoir des frais de scolarité, ça ne nuit pas à la fréquentation. Et que par ailleurs, Pierre Fortin et le gouvernement reconnaissent que si on fait disparaître les frais de scolarité du jour au lendemain, on se retrouve avec 27 000 étudiants de plus sur les bancs d'école. C'est comme une sorte d'aveu implicite que ne pas pratiquer la gratuité scolaire, ça prive actuellement 27 000 étudiants de la capacité d'étudier. Donc là, il y a une sorte de retournement un peu ironique où, en faisant un argument contre la gratuité scolaire, on prouve en fait qu'on en aurait besoin, parce que ça veut dire que la politique qu'on a actuellement, elle n'est pas la plus... on n'atteint pas l'accessibilité à 100%, parce que visiblement, si on mettait la gratuité, ils s'inquiètent qu'on aurait plus de gens. Donc, ça veut dire qu'ils admettent, dans leur corps défendant, je pense, sans même s'en rendre compte, là, que si on mettait la gratuité scolaire, nous aurions plus de gens à l'université. Je répète que ça... Ça règle pas tous les problèmes, ça règle pas la question du rôle de l'université dans la société, les finalités de l'institution, son rapport à l'économie, ce sont des questions ça, qui sont beaucoup plus profondes, mais au moins si on peut faire le maximum en termes d'accès pour les gens sans regard à leur classe sociale, ben pourquoi ne pas le faire? Et surtout sachant que la gratuité serait un morceau important d'une nouvelle logique qui viserait à protéger l'indépendance de l'université à l'égard de la logique marchande et économique. Si on met la gratuité, c'est le signal que nous, on dit, on considère pas l'éducation comme une marchandise. C'est pas quelque chose qu'on estime devoir faire. Oui, c'est comme la santé, hein. On considère pas que c'est une marchandise. Oui, c'est un peu inquiétant de voir à quel point de plus en plus les entreprises privées financent des chaires d'études, etc. On a un exemple de ça. Des compagnies minières ou des compagnies de pétrole, surtout dans le contexte actuel où on aurait bien besoin de gens pour nous aider à comprendre si le gaz de schiste, le pétrole, ça va être néfaste pour les gens de Gaspé, par exemple, ou est-ce qu'on va faire confiance à une chaire de recherche sur le pétrole qui serait financé par Ultramar. Comprenez-vous, là, ça marche pas. Ça marche pas, effectivement. En terminant, le temps file, vous semblez être, si je comprends bien, vous semblez être de ceux qui croient que le sommet de l'enseignement supérieur est voué à l'échec. Y aura-t-il tout de même eu quelque chose de positif dans toute cette énergie consacrée à l'avenir de nos universités? Ben, je pense que ce qui a été positif, c'est plutôt ce qui s'est passé l'an dernier. C'est-à-dire que là, il y a eu des étudiants, des professeurs qui ont fait savoir que eux, ça les intéressait pas de sauter dans le train du modèle américain. Là, pour le moment, malheureusement, on a un sommet qui semble verrouillé d'avance où, finalement, c'est l'indexation des frais qui est préconisée, puis où toutes les questions de fond sont évacuées. Alors là, il est encore temps de renverser la vapeur pour un gouvernement qui prétend être indépendantiste, prétend avoir la culture à cœur. Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour le Québec de copier les États-Unis? Ça fait un peu, si vous me passez l'expression, ça fait un peu Elvis Graton. Donc là, je pense qu'il y aurait un questionnement à avoir. Est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on peut pas avoir des idées propres à nos besoins? Est-ce que ça servirait pas mieux sur l'autonomie du Québec et de la culture que de juste devenir une sorte de sous-succursale de l'université américaine? De toute façon, on gagnera pas à ce jeu-là. Si le jeu, c'est de copier Harvard, on va toujours être en dessous de la barre. C'est ce que disait Fernand Dumont en 71. On ne pourra jamais être en vente. À un moment donné, il faut en revenir et se rendre compte que ce n'est peut-être pas ça dont on a besoin ici. Merci beaucoup, Éric Martin. Souhaitons que votre vœu soit entendu et qu'on ne va pas discuter uniquement de financement des universités, mais qu'on va discuter de la raison même d'être des universités. Je vous remercie de votre temps, mais malheureusement, je pense que pour le moment, il va falloir attendre encore quelques années pour qu'on soit prêt pour ce genre de débat. Pour le moment, on est encore dans une période très, très économiciste où on n'en a que pour les chiffres. Et donc, il va falloir attendre un peu plus longtemps avant qu'on soit capable d'avoir des débats sur le fond des choses. Bien, merci beaucoup, Éric Martin. Je rappelle que vers le sommet US qu'on s'en va et sur le blog de l'IRIS, nous allons mettre d'ailleurs sur notre propre blog un lien vers les deux billets que vous avez produits sur le sommet de l'université. Je vous remercie. Je souhaite aussi une bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Éric Martin, professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit et aussi membre chercheur de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. On écoute maintenant une pièce que vous aurez la chance d'écouter en exclusivité CKRL. C'est une compilation, en fait ce sont trois pièces que j'ai fait venir de la Fondation de la Rue des Femmes. Et c'est Élise Robineau et Annie Caron qui chantent « Complicité volontaire ». Rêver devant nouveau, qui nettoie les carreaux, qui dévoile sous nos yeux le travail laborieux. Rassembler son courage, croire en la force des mots, enclencher les rouages, bâtir en le monde nouveau. Je vais toi qui es le rêve, les enfants s'oublier. Garder le feu sacré et rester passionné. Je veux franchir les frontières pour t'aider le mystère. Affronter l'indigence sans aucune négligence. Solidaire aux croyances de mes pères. Je brisais les barrières, libérais la fierté. Je perds la misère à coups de volonté. Je bannis le pouvoir, implanter le respect. Je fais confiance en voir le visage de regret. Je veux rassembler les gens pour qu'ils goûtent au présent. Rapatrier l'honneur étouffé dans les cœurs. Dans les cœurs, dis-moi, es-tu perdre mon temps à écouter les faussaires. Je ne veux plus faire semblant de sourire aux adversaires. Et je ne veux plus flatter l'ego des gens qui font toujours les beaux. Je veux prendre le taureau par la main et faire face au Voilà, c'était Complicité volontaire d'Élise Robineau et Annie Caron. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que, en fait, c'est un CD, trois pièces, qui était disponible sur le site de la Fondation de la Rue des Femmes. Et là, et les deux artistes ont accepté de donner le résultat, si on veut, des ventes de ce CD à la Fondation de la Rue des Femmes. Je vais mettre un lien d'ailleurs sur notre blog vers la Fondation de la Rue des Femmes. Sans plus tarder, on écoute l'éditorial de Claude Vaillancourt. Cette semaine, il est question de baisse d'impôts d'entreprise. Tantôt, on parlait de financement des universités. Mais peut-être qu'il y a là une marge de manœuvre. En tout cas, on écoute Claude Vaillancourt sur la baisse d'impôts, des entreprises ces dernières années. Les conservateurs l'ont répété à plusieurs reprises, il faut baisser les impôts des entreprises pour leur permettre d'investir et créer de l'emploi. Le raisonnement semble solide et plusieurs électeurs ont mordu à l'hameçon. Mais la réalité est plus complexe. Les entreprises ne vont pas investir si elles n'en ont pas besoin. Les cadeaux fiscaux ne se transforment pas nécessairement en investissement. La création d'emplois n'est pas liée de façon si évidente à la marge de manœuvre financière d'une entreprise. Il arrive même souvent que des entreprises prospères congédient plusieurs de leurs employés pour hausser le prix de leurs actions en bourse. Une étude du Conseil du travail du Canada intitulée « Qu'est-ce que les réductions de l'impôt des sociétés ont rapporté » dément catégoriquement ce supposé avantage de réduire l'impôt des entreprises. Elle nous permet aussi de savoir comment les entreprises gèrent le surplus de profits apporté par les baisses d'impôts. Et qu'est-ce qu'elles en font au juste? de ce pactole qu'on leur a donné avec tant de générosité, eh bien, elles n'en font rien. Selon Statistique Canada, le magot accumulé dans le bas de laine boursouflé des entreprises est passé de 187 milliards de dollars en 2001 à 575 milliards de dollars en 2011. Peut-on imaginer ce qu'on ferait avec une pareille somme si elle était à la disposition des Canadiens et des Québécois? Par exemple, notre dette serait payée en claquant du doigt. Il faut dire que nos gouvernements et surtout les conservateurs ont été d'une grande générosité envers les entreprises. Leur taux d'imposition est passé de 40% à 15% en 50 ans et depuis 2000, il a été réduit de 28% à 15%. Personne n'a demandé de telles réductions, les plus importantes dans les pays du G7. Pendant ce temps, notre gouvernement joue allègrement du ciseau, coupe dans l'aide internationale, abolition de 19 200 postes dans la fonction publique, coupe du financement de tous ceux qui s'opposent au gouvernement, féministes, écologistes, altermondialistes, etc. Et devant une gestion si serrée des budgets, pas question évidemment de gratuité scolaire, de programmes sociaux, on se serre la ceinture, on n'a plus les moyens. On observe ici une des stratégies préférées des conservateurs. D'abord, on crée une crise de toutes pièces, dans le cas présent, un sous-financement artificiel de l'État. Puis, on développe une politique en conséquence, en l'occurrence des mesures d'austérité dont nous n'avions absolument pas besoin. Nous ne sommes pas les seuls à nous alerter de tout cet argent qui dort dans les coffres des sociétés. Mark Carney, le gouverneur de la Banque du Canada, a demandé qu'il soit redistribué aux actionnaires. Le ministre des Finances, Jim Flaherty, du haut de sa puissante autorité, a supplié les entreprises d'investir, ne serait-ce qu'un petit peu. Nous avons, nous, une bien meilleure idée, une idée toute simple. Puisque ces entreprises n'ont visiblement pas besoin de tant d'argent, puisqu'elles n'arrivent pas à se creuser les méninges pour trouver ces foutus investissements rentables créateurs d'emplois, pourquoi ne pas revenir au point de départ? Pourquoi ne pas reprendre tout ça sous forme d'impôts? Redistribuer ces sommes et donner à notre population ce dont elle a besoin, des services publics diversifiés, accessibles et de qualité. Mais il s'agit malheureusement d'un langage que les conservateurs et les néolibéraux n'arrivent pas à comprendre. Voilà, c'était Claude Vaillancourt dans son éditorial hebdomadaire sur la question de la baisse d'impôts des entreprises qu'elle devait en principe réinvestir, mais... Bon, disons qu'elles l'ont utilisé à d'autres fins. On va maintenant prendre une pause publicitaire et on vous revient de l'autre côté avec Nicole Moreau et ses invités. À tantôt. Ici Denis Lelièvre et Tania Beaumont. À nous deux, nous représentons deux générations d'animateurs passionnés de radio. C'est pourquoi nous animerons ensemble, le 15 février prochain, une émission spéciale pour le 40e anniversaire de CKRL. Dès 15h30, nous recevrons les artisans de l'histoire du 89.1. Revivez avec nous les débuts de cette formidable radio qui, le 15 février 1973, devenait la toute première radio communautaire d'expression francophone. Une émission à ne pas manquer pour lancer les festivités du 40e anniversaire de CKRL. La 14e édition du Mois Multi vous convie à 29 jours de festivités du 31 janvier au 28 février. Le festival vous propose un électrisant programme. Concerts participatifs, cartographie sonore, cinéma immersif, œuvres cinétiques, théâtre technologique, rencontres avec les artistes et bien plus. Venus d'ici et de l'étranger, les artistes du prochain Mois Multi vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique au Québec. Informez-vous sur moimulti.org. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 24 février, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Le Bal du Lézard présente le 14 février l'Impro Valentin 2, le spécial Saint-Valentin film d'amour. Vous me flattez comme on flatte un animal. Mais vous êtes un animal. Quatre comédiens fous improviseront sur le film La Belle et la Bête de Jean Cocteau, accompagnés de deux musiciens sur scène. Le diable vous éclabousse et vous couvre de crottes. Une soirée pleine d'amour et de poésie au Bal du Lézard. 1049 3e Avenue le jeudi 14 février à 21h30. C'est gratuit. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. CKRL 89.1 Québec. Nous sommes de retour. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL ou aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Profitez-en pour vous procurer des billets, soit pour la soirée Retrouvailles qui se tiendra à l'espace Hyperion. Ça, c'est au 190 rue Saint-Joseph-Est, le 15 février prochain à compter de 17h. C'est au coût de 10$. Ou même pour le cocktail bénéfice qui aura lieu le 5 avril à l'hôtel Château Laurier. Nicole Moreau, bonjour. Bonjour, Michel. Alors, Nicole, vous êtes en compagnie de vos deux invités, donc je vous laisse avec les gens de l'ATI Limoilou. Alors, d'abord Isabelle Mercure et aussi Muriel Jean-Baptiste. Alors, on va commencer avec Isabelle, responsable de l'ATI, aménagement territorial intégré, si je ne m'abuse. Approche territoriale intégrée. OK. Pourriez-vous, donc, Isabelle, nous expliquer rapidement comment l'idée est née il y a bientôt 5 ans, je crois. Alors, pour... peut-être aussi rappeler c'est quoi une ATI, approche territoriale intégrée. Je l'avais bien marqué, mais je l'ai mal lu. Pour le bénéfice des auditeurs et nous parler des étapes du processus qui a commencé. On part ça fort, Nicole, hein? Bonjour! Une vaste question sur un grand thème qui est celui de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. En fait, l'ATI à Limoilou, c'est une façon de faire qui est proposée dans la lutte, dans la loi qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, c'est travailler tous les acteurs d'un territoire, de tous les secteurs d'un territoire pour trouver des moyens, des idées, des projets, des façons de faire différentes pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, comment c'est né? Ben, principalement, il y a eu un projet qui a été développé à la Conférence régionale des élus, puis des mandats qui ont été donnés à quelques territoires, là, dont Limoilou à Québec, Giffard-Montmorency aussi, puis Saint-Sauveur. Et à Limoilou, ben, c'est moi qui coordonne. C'est un projet de l'arrondissement. Puis la CEDEC a eu le mandat là, de concrètement déployer l'ATI. Corporation de développement économique communautaire. De Québec. De Québec. Et voilà. D'accord. On se corrige mutuellement, là. C'est bon. C'est dynamique, c'est comme à l'ATI, en fait. L'ATI, le processus, en premier lieu, on fait le portrait du quartier. En matière de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre quartier? Qui vit là? Qui habite là? Pourquoi il y en a qui vivent dans la pauvreté? C'est quoi les services qui sont offerts, les dynamiques, les organismes qui y travaillent? Parce que la lutte à la pauvreté, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens hein, qui y travaillent. Il n'y a pas juste nous autres. Là. Nous, on a un petit complément parmi un bassin d'intervenants, d'interventions et d'organismes. Mais moi, mon boulot, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire plus ensemble puis comment on peut faire mieux. Donc, en premier, on a fait un... Donc, contacter plein d'acteurs. Ouais, on a fait un territoire, c'est un peu collectivement. On a ramassé plein de données que vous pouvez voir, d'ailleurs, ce portrait-là sur le site de la CEDEC. Suite à ça, un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui est criant, plus important à Limoilou? Pourquoi ça se passe comme ça? Sur quoi il faudrait s'arrêter principalement? Puis à Limoilou, les divers intervenants, acteurs, on a fait des consultations publiques, on a réfléchi collectivement. Donc, tous les gens ensemble, on a identifié principalement le thème du logement, de l'immigration. Muriel, d'ailleurs, est avec moi, participe activement au chantier immigration. Donc, l'immigration, le logement, l'éducation, puis la sécurité alimentaire. Puis d'accord. À partir de ça, on travaille avec des acteurs de différents milieux autour de ces thèmes-là, avec des citoyens, des gens du communautaire, de l'institutionnel, puis on réfléchit à différents projets qu'on pourrait développer. OK. Les gens de différents milieux, c'est qui? Donnez-nous des exemples. La liste est longue. Il y a tellement d'organismes communautaires sur le territoire. Il y en a qui participent, il y en a d'autres qui ne participent pas. C'est bien correct. Hein? C'est, chacun ses choix. Chacun a ses possibilités aussi, chacun son contexte. Il y en a qui étaient là au portrait, d'autres au diagnostic, d'autres qui s'impliquent activement, d'autres qui restent informés. Donc, il y a des organismes communautaires, des organismes du loisir aussi. Il y a vraiment, il y a trois gros centres communautaires dans Limoilou. Des gens du CLSC, donc le milieu institutionnel, les écoles aussi, la ville, parce que c'est le mandat appartient à la ville. Puis il y a des citoyens aussi, on aime beaucoup, puis on trouve vraiment important que les citoyens soient là pour qu'ils nous parlent. Eux autres, là, ils sont des experts de ce qui se passe sur le terrain. Là. OK, c'est des citoyens qui vivent la situation de pauvreté ou d'exclusion. Oui, on a des situations, des citoyens en situation de pauvreté, puis d'autres citoyens aussi. C'est des groupes hétérogènes. Qui sont intéressés à lutter pour la qualité de vie du milieu. Oui, puis qui aiment le travail collaboratif, qui aiment réfléchir ensemble, puis être dans des rapports le plus possible égalitaires. Là. Quand il y a un politicien qui arrive ou un boss de la direction de la santé publique, là, on parle avec la même... On a la même place pour s'exprimer. Nos expertises sont considérées de façon égale. Sont différentes, mais on aime bien là, que tout le monde soit valorisé dans leurs connaissances et leurs expertises. Bon, alors finalement, vous avez beaucoup de monde autour de la table à coordonner. Ouais. Parce que c'est vous qui coordonnez tous les chantiers. Ben effectivement. Mais on fait ça tous ensemble. On se partage la tâche. Bon, c'est bon ça. Ça fait que j'imagine que des changements sont survenus dans le milieu. Ben en tout cas, il y a des projets qui sont nés, puis on espère que ces projets-là ont amené des changements. Alors, je sais que vous commencez des processus d'évaluation, intuitivement, quel type de changement vous pourriez avoir pu observer? Intuitivement, bien, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent, Limoilou, c'est déjà un quartier hyper concerté, hein? Les gens sont très sensibles au faire ensemble puis au mieux faire ensemble. Donc, on sent que ça s'améliore encore plus, la concertation, qu'on se parle encore davantage, les différents coordonnateurs des concertations, que les organismes tranquillement développent des pratiques intersectorielles, interinstitutionnelles. Donc, on a plus de réflexes. Donc, des projets communs avec plusieurs organismes autres que vos chantiers. Oui, ben on le voit dans les chantiers, dans les comités de suivi, on voit des pratiques intersectorielles puis des pratiques collaboratives, peut-être des liens qui n'existaient pas déjà, puis aussi des pratiques avec les citoyens. Puis ben dans chaque projet, il y a des citoyens qui bénéficient de nos services. Donc là, on voit en immigration que des gens qui connaissent mieux les services, des gens qui participent plus aux activités, des gens qui apprennent un peu les codes culturels dans les milieux de travail, qui sont accompagnés dans l'intégration du marché du travail. En sécurité alimentaire, on voit des intervenants qui réfléchissent aux meilleures approches dans les cuisines collectives, dans les groupes d'achat pour favoriser la participation des citoyens. Puis en éducation? En éducation, on a beaucoup de petits projets dans les écoles qui favorisent beaucoup le développement de... École primaire ou secondaire? Les deux. On a des projets dans les écoles primaires et secondaires. Beaucoup de projets qui favorisent une meilleure connaissance de la société dans laquelle on évolue, des possibilités professionnelles, donc aller vers des activités culturelles, des activités professionnelles, puis développer aussi nos compétences interpersonnelles. T'sais, pour réussir à l'école, pour persévérer, il faut savoir régler nos conflits, avoir des adultes signifiants autour de nous, reconnaître ses compétences, ses qualités. Donc, on a beaucoup de projets qui vont dans cette direction-là. Puis, plus ça va aussi, plus de projets, on est sensible à l'importance de la présence des parents dans la vie des enfants. Tranquillement, il y a des petits projets aussi qui se développent de ce côté-là. Puis, aussi des projets qui facilitent la transition du primaire au secondaire. OK. Parce que c'est un moment difficile. C'est un moment d'adaptation sérieux, là. OK. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions que vous examinez. Je vous lance ça, là. Oui, c'est assez vaste, la TI, là. On touche à beaucoup de facettes de la vie des individus sur le territoire, là. Ça aide ça favorise là, un certain dynamisme de la collectivité ou de la communauté environnante. On espère que oui. C'est le pari qu'on a fait, en tout cas. Bon, alors j'imagine que ça va continuer pendant un bon bout de temps. Mais là, je suis pas assise sur la chaise d'un bailleur de fonds. Je dirais que notre espoir, c'est que ça se perpétue très longtemps. Mais ça appartient plus au ministère là, qui sont en réflexion sur les ententes spécifiques. Là. OK. Ah, ça, c'est une autre entrevue, je pense. Faudrait que vous appeliez les gens de la Conférence régionale des élus pour qu'ils vous parlent où en est l'entente spécifique qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la capitale nationale, parce que c'est un portefeuille où s'investissent plusieurs ministères, plusieurs partenaires, s'entraident, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Emploi et de la solidarité sociale. Je pourrais tous vous les énumérer, là, mais ça serait un peu long. Donc, c'est vraiment les forces vives là, puis les volontés de ces partenaires-là là, d'appuyer tout ce qui se fait en lutte à la pauvreté, en plus de tout l'argent qui est offert aux organismes. Puis, je tiens à le répéter là, parce qu'il y a tellement d'organisations et de projets partout. Une belle volonté populaire. Oui, assurément. D'accord. Bien, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis, je pense qu'on passe une petite pause musicale. Oui, on peut. On écoute Judicieux Appât, Louis-André Bourque. Ça donne des méchants mots de cœur de vivre dans l'échelle de valeur. Y'en a qui vivent sur les trottoirs et dans des manoirs. Y'en a qui fouillent dans les poubelles et qui usent leurs semelles. Pour l'autre, c'est Noël tous les jours et ils marchent sur du flou. Judicieux Appât, de tous tu es le dada. Tu mènes le cortège, on embarque tous dans ton manège. Oh, judicieux Appât, t'adores la bêtise crasse. Tu creuses toujours la crevasse entre les rois, c'est les parias. L'argent est dans le mot de la colline et nous on reste près de la machine. On reste assis à son pied comme des petits chiens bien dressés. Mais pourtant c'est au sommet que la vue a son portrait. Mais pourtant c'est au sommet que le paysage a son palais. Oh, judicieux Appât, de tous tu es le dada. Tu mènes le cortège, on en va tous à ton manège. Judicieux Appât, t'adores la bêtise crasse. Tu creuses toujours la crevasse entre les rois, c'est les parias. Y'en a qui piquent pour toi, d'autres qui meurent sans toi. Y'en a qui assassinent pour toi, d'autres qui se crèvent pour toi. Il y a longtemps, mes amis, qu'il est dans nos murs l'ennemi. Aujourd'hui il a son trône et il séjourne dans du monde. Oh, judicieux Appât, de tous tu es le dada. Tu mènes le cortège, on embarque tous dans ton manège. Oh, judicieux Appât, t'adores la bêtise crasse. Tu creuses toujours la crevasse entre les rois, c'est les parias. André Bourque, Judicieux Appât. Désolé, je n'arrivais pas à arrêter la suite. Donc, Louis-André Bourque, Judicieux Appât. Je vous laisse en compagnie de vos invités, Nicole. Alors, la deuxième invitée est, comme je le disais tantôt, Muriel Jean-Baptiste. Elle s'occupe, avec sa collègue Geneviève Comeau, d'un projet d'intégration économique des immigrantes, des personnes immigrantes dans Limoilou. J'imagine, Muriel, que ce projet a été bâti à l'aide de la contribution de plusieurs acteurs sociaux du quartier. Pouvez-vous nous parler de son origine, des objectifs visés? un peu finalement faire la synthèse de comment c'est né. D'accord. Bonjour Nicole, merci de l'invitation. Alors, le programme d'immersion française en milieu de travail est né effectivement d'un travail collaboratif des acteurs du milieu de Limoilou. Et ça fait quand même plusieurs, de nombreuses semaines, on va dire depuis, d'années même. Effectivement, donc il y a plusieurs acteurs qui sont mobilisés autour d'un sous-comité pour vraiment faire un projet, un super beau projet. Alors, je nommerai les acteurs comme le Centre local d'emploi de Charlebourg, le ministère de l'Emploi et de solidarité sociale, Centre Louis Joliette, Centre Monseigneur Marco, la direction régionale aussi de l'Emploi Québec de la capitale nationale, la Caisse des Jardins de Limoilou, Libre Emploi, justement, notre voisin de 3e Avenue, et le Centre Rire 2000 et Commergence également. Donc, c'est vraiment ces acteurs-là qui sont rassemblés, justement, sous l'appui d'Isabelle Dati, okay, pour faire naître, en fait, le programme d'immersion française en milieu de travail. Alors, l'objectif, en fait, que poursuit ce projet-là, c'est vraiment l'amélioration, en fait, favoriser aux personnes immigrantes un espace ou bien leur donner un espace en milieu de travail pour améliorer leur français. C'est des gens qui ont déjà fait le temps nécessaire de francisation, donc demandé par le MIC, mais que le français reste encore à améliorer. Alors, d'accord, des fois, c'est des gens qui sont aptes à travailler, mais le niveau de français ne permet pas encore d'intégrer le milieu du travail. Donc, le projet vise à les accompagner en milieu de travail pendant une période de 12 semaines, donc 3 mois, mm-hmm, et les accompagner, que ce soit au niveau des, améliorer les compétences langagières, mais aussi la compréhension des codes culturels, parce qu'on sait très bien... Ce qui est très important. On sait très bien qu'il y a des différences. Des fois, ce n'est pas des différences énormes. On peut les minimiser, mais quand on les minimise aussi, ça empêche... l'intégration et l'apprentissage. Mm-hmm. Alors, dans ce sens-là, l'accompagnement fourni dans le projet, que ce soit pour les personnes immigrantes, les employeurs, ça permet une meilleure compréhension des codes culturels. Et aussi... Des deux côtés. Donc, mm-hmm, c'est vraiment la particularité du projet. Donc, non seulement tous les acteurs qu'on vient de nommer travaillent ensemble, mais l'accompagnement aussi est offert au milieu de travail, parce que ce n'est pas tous les milieux de travail qui ont déjà l'habitude d'intégrer, en fait, une personne immigrante. Donc, l'accompagnement est nécessaire en ce sens-là. Donc, on sensibilise... Qui fait l'accompagnement des personnes immigrantes? Donc, on a le Centre Rire 2000. Le Centre Rire 2000 étant mandataire du projet. Donc, on accompagne à la fois les stagiaires et les personnes, les employeurs aussi dans la démarche. Donc, c'est vraiment l'objectif est en deux sens, accompagner les personnes immigrantes, mais accompagner aussi les milieux de travail pour favoriser... une meilleure compréhension. Effectivement, effectivement. Un travail plus positif. Tout à fait. Et ça donne de bons résultats quant au milieu de travail que pour les stagiaires aussi. Donc, du côté du milieu de travail, ils sont sensibilisés qu'il y a une clientèle immigrante qui est là, qui est disposée et motivée, en fait, à intégrer un milieu de travail. Et aussi, ils sont sensibilisés aussi aux différences des codes culturels. Donc, les codes culturels différenciés en milieu de travail, parce que la culture de travail étant différente d'un pays à l'autre. Ils sont sensibilisés à cela. Mais aussi, ils voient aussi l'effort nécessaire que ça demande pour intégrer aussi le marché du travail. Donc, les efforts, les réactions des entrepreneurs sont assez positives. Tout à fait. Dès le départ? Tout à fait. Je dirais dès le départ, des fois, il peut y avoir la question de ressources, parce que ça demande quand même au milieu de travail d'avoir une ressource pour accompagner la personne immigrante pendant son stage. Donc, des fois, ils peuvent prendre un peu de temps pour penser, ah, OK, est-ce que je vais trouver une ressource disponible pour cela? Mais sinon, il y a une très belle ouverture, vraiment, des milieux de travail à Limoilou pour intégrer les personnes immigrantes. Mm-hmm. Et les personnes immigrantes, c'est quoi leur réaction par rapport aux différences des codes culturels, des habitudes de travail, etc.? C'est sûr qu'au départ, il y a de l'incompréhension parce qu'ils se posent la question, mais pourquoi ça se fait comme ça? Alors, la question, pourquoi ça se fait comme ça? Ben, quand il y a une explication, la compréhension vient après, s'améliore. Mm-hmm. Donc, à travers les ateliers, justement, sur les codes culturels qu'on a eu avec eux dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait aussi, ça leur a permis de comprendre les valeurs d'ici, les valeurs québécoises, les valeurs aussi en milieu de travail, donc comment ça fonctionne en milieu de travail et comment s'adapter aussi au milieu de travail, donc aux valeurs d'ici. Donc, c'est sûr qu'au départ, des fois, ben, c'est un petit peu, il y a un peu de réticence, mais quand la compréhension s'installe, donc la réception est déjà bien mieux en tant que telle. Donc, on a vu des résultats positifs en ce sens. Excellent. Donc là, il y a une très bonne réception, que ce soit du côté des personnes immigrantes pour ce projet-là, parce que ceux qui l'ont vécu ont pu voir la différence que ça a apporté aussi dans leur vie. Il y a non seulement une bonne confiance en soi, donc la confiance de s'exprimer en français, parce qu'au départ, il y avait un peu de doute. Il y avait des hésitations, mais maintenant, oui, on s'exprime mieux parce qu'on sait que si on ne va pas vers les autres, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ne parle pas. Alors, pour améliorer le français parlé, c'est en allant vers les autres, entreprendre une conversation, discuter avec l'autre, qu'on va pouvoir échanger davantage et s'améliorer. Donc, ça a fait son effet et puis ils sont vraiment très contents et ils sont vraiment éveillés. Quand on voit leurs yeux, ça brille et puis ça prouve effectivement que ça a apporté une différence dans leur vie. Donc, on peut dire que le projet répond aux attentes des deux côtés, des deux parties. Est-ce que ça va se poursuivre et qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour améliorer encore plus le projet? Eh oui, ce projet-là, il va se poursuivre. Excellent! On a une deuxième cohorte qui commence la première semaine du mois d'avril. Donc, on est présentement en recrutement que ce soit pour les milieux de travail que pour les personnes immigrantes. Donc, présentement, on a besoin justement de milieux de travail à Limoilou, que ce soit petite et moyenne entreprise, que ce soit de grandes entreprises à Limoilou. On sollicite justement leur implication à un niveau de l'intégration des personnes immigrantes à Limoilou. C'est vrai, c'est des personnes immigrantes allophones, mais ils ont déjà appris le français, donc ils ont juste à améliorer leur français en milieu de travail. Donc, les personnes immigrantes aussi qui entendent parler du projet peuvent nous appeler au Centre Ouvrier 2000, 418-524-5609, au poste 225, et laisser un message à Geneviève Como. Et comme ça, Geneviève fera le suivi pour le projet. Donc, d'accord. C'est un projet vraiment qui nous tient à cœur. Et puis, le résultat est tellement palpable, c'est tellement, on le voit, et les entreprises, le milieu de travail de préférence, qui ont participé à la première cohorte, peuvent témoigner, oui, que c'était demandant, mais ils sont satisfaits aussi d'avoir participé à la première cohorte. Donc, ils ont compris que oui. C'était positif très et que positif. Ça pouvait être très avantageux. Tout à fait. Mais c'est aussi une façon de contribuer parce que les personnes immigrantes, elles sont là, ils ont besoin d'impliquer dans un milieu, mais les milieux de travail aussi ont leur part à jouer dans l'intégration, en fait. Donc, ça fait un oui, il y a bon, des responsabilités des deux côtés. Des deux côtés. Des d'accord. Deux côtés. Eh bien, et je vous remercie infiniment, Mme Jean-Baptiste. Ça a été très éclairant. Merci beaucoup. Merci aussi à Isabelle. Ça a merci. Été, Madame Mercure, ça a été très éclairant aussi. Alors, à une prochaine. Merci beaucoup. Merci Nicole. Merci à vos invités. C'était effectivement fort intéressant. On va écouter un petit intermède musical et on va poursuivre l'émission par la suite. Pas des viaducs de la Concorde. Je monte comme un bateau, c'est pas le coste de Concorde. C'est une contestation contre ce qu'est le Concorde. Depuis tant qu'on veut, je fallais bien qu'on le corde. Du rap bien rageux, combustible, on record. Ils sont dérangés par ce style qu'on colporte. Fuir la réalité, c'est le stigmate que l'on porte. L'heure est grave, faut plus sonner comme l'orgue. On va direct vers le crash à la vitesse d'une Lamborg. Comme d'hab, dès qu'ils disent le mot d'ordre, ils baissent dans l'opprobre et agissent dans l'opprobre. Tu veux les codes? No problem, tu finis au au poste, finissent au poste. C'est ça leur job, c'est juste de nous robe. La pute de Babylone, c'est cousu new robe. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ça n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Les secrets du passé s'ouvrent. Je suis content, mais comprends que c'est au-delà du carré rouge. Notre futur, jamais ne fut sûr. L'heure est grave, Webster, Monks et Obia le Chef, c'est sur la compilation Printemps érable, compilation, il suffit de chercher sur internet, on peut trouver facilement cette compilation qui avait été faite dans le cadre du Printemps érable il y a un an déjà, c'est le temps passe vite. Voilà, c'est rapidement, parce que le temps file, quelques éléments à surveiller cette semaine. Mais auparavant, je vous signale que dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, Québec au rythme des musiques du monde est présenté samedi le 23 février 2013. C'est à 20h, c'est au Palais Montcalm. Il y a Gardie Fury, Marie-Alice Desplaisirs, Valérie Clio, et c'est l'ensemble gospel de Québec aussi. Alors ça, l'entrée est gratuite au Palais Montcalm le 23 février à 20h. Il y a une contribution volontaire qui est demandée. Maintenant, depuis le 8 février au CLAP, au cinéma Le CLAP, il y a le film documentaire Le Prix des mots sur la saga judiciaire autour du livre noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Presque 5 ans après les poursuites SLAP de Barry Gold et de Barrio Corporation contre l'éditeur Éco-Société. Rappelons que ces deux compagnies minières ont un siège social au Canada. Autre chose, mardi le 12 février, c'est la journée nationale contre le saccage de l'assurance chômage. Il y a Lévis à midi devant le Centre Service Canada de Lévis, c'est au 50 route du président Kennedy, place Lévis. Mais il y a aussi à Montréal à midi devant le complexe Guy Favreau, donc deux manifestations et sans doute d'autres endroits à travers le Québec. C'est à surveiller dans votre région si vous nous écoutez d'ailleurs au Québec. Donc c'est mardi le 2 février. À 16h, toujours mardi le 2 février, à 19h, pardon, le Québec et le monde à l'heure des choix vers une économie écologique avec Ghislain Simard, l'Université Laval, en partenariat avec Nature Québec. C'est au local 2830 du pavillon Alexandre Vachon, avenue de la Médecine. Et finalement, mercredi le 13 février, Salon des coops à Québec, semaine de la relève coopérative. Ça, c'est de 10h à 14h. Il y a un 5 à 7 aussi, Chouki-Tiki, semaine, toujours dans le cadre de la semaine de la relève coopérative. Enfin, on va mettre tous ces liens et d'autres sur notre blog. Il me reste à remercier Éric Martin pour son éclairage sur le débat concernant l'avenir de l'université. Merci à Nicole Moreau et à ses deux invités. Isabelle Mercure, responsable de l'ATI Limoilou, et Muriel Jean-Baptiste, responsable du projet intégration des personnes immigrantes, un projet associé à l'ATI Limoilou. Ici Michel Monette. Je vous invite à vous rendre sur notre blog, legraindesable.qc.org, où vous aurez tous les liens de ce dont nous vous avons parlé aujourd'hui, ainsi que des pièces musicales que nous avons fait jouer. À la semaine prochaine. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 88-977-7571. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Restaurant L'Athéna vous offre un menu diversifié tel que les pizzas, brochettes, poulets frits, pâtes, sous-marins, en plus des à côté, nos délicieux clubs et poutines. Restaurant L'Athéna, ouvert tous les jours dès 7h pour offrir une variété de petits déjeuners. Restaurant L'Athéna, situé au 2980 1ère Avenue, pour combler votre appétit matin, midi et soir.